ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu no kugwanya sida busabye ko umuntu wese aba muri kino gihugu ko yoza arasuzuma mu muryango wiwe canke mu kibano ko atabana bari munsi y'imyaka 15 bafise ibimenyetso by'indwara y'ubukangwe canke ko atabana n'abakuze boba bafise ibimenyetso by'indwara y'agasama. Alphonse Kugimana sur la mise en onde, bienvenue chers auditrices et auditeurs de la radio Isanganiro à cette édition dont voici d'abord le sommaire. Le forum des partis politiques au Burundi, FDP, estime qu'il s'impose de laisser la justice trancher sur les accusations portées contre le président du parti Kodebou. Le président de ce forum, Félicien du Burundi, le dit après l'incarcération de Kefani Bidiso mardi, accusé d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Six provinces du Burundi abritent certaines communes les plus exposées au risque de catastrophe. Selon ingénieur Innocent Manigwanizigo, cet expert en agroécologie et en changement climatique qui le dit, s'appuie sur la récente cartographie des risques réalisé par le gouvernement burundais. La route nationale numéro 9, route Bujumbura-Bubanza, tronçon côté Boumendeuvre en zone Kinama, et jonché de nid de poule. Ceux qui font le transport sur cette route crient à sa réhabilitation. Et les rumeurs propagées dans le passé, surtout en 2015, ont affecté la population de la commune Boussoni en province Kirundo. Certains des locaux ont fui le pays de peur de subir les conséquences de cette situation. Les détails, ce sera dans la chronique N de ce mercredi. Bienvenue à cette édition. Isanganiro, la radio de l'avenir. Ouvrons ce journal par la page politique. Le forum des partis politiques au Burundi, FDP, estime qu'il s'impose de laisser la justice trancher sur les accusations portées contre le président du parti Kodebou. Le président de ce forum, Félicien du Burundi, le dit après que Kefani Bizi a été conduit à la prison centrale de Mimbaso mardi après être entendu par le procureur général de la République pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Quant à certaines opinions qui lient cette arrestation avec ce que Kefani Bizi a lancé sur le compte X de son parti, Félicien du Burundi soutient que la démocratie aille de l'avant, mais qu'il est encore tôt de déterminer si la détention de Kefa est liée à son point de vue. Suivez. Le forum des partis politiques interprète cette situation comme d'autres citoyens burundais. S'il y a une situation anormale qui se remarque, n'importe qui peut interpréter la situation d'une manière ou d'une autre. Alors pour le forum, je dirais que c'est encore trop tôt pour pouvoir dire quelque chose à propos de cette arrestation. Laissons d'abord la justice faire son travail. Deux, le forum n'est pas autorisé à se mixer dans les affaires juridiques. Et si une certaine opinion pense que c'est une manière de limiter l'espace politique, qu'est-ce que vous en dites? Bon, c'est l'une des interprétations dont je vous ai parlé, mais avoir les différentes contributions que les partis politiques sont en train d'émettre par rapport au Burundi émergent et au Burundi développé dans les années 2040, 2060, je ne le pense pas. Les partis politiques sont à l'œuvre. Encore c'est trop tôt de le dire. Nous avons encore une fois au moins une année devant nous avant que les élections se tiennent. Je dois dire deux choses. On ne peut pas se cacher dans la démocratie pour faire dire n'importe quoi. Non plus, on ne peut pas se cacher dans les élections pour faire dire n'importe quoi. Un homme politique, s'il a commis une infraction, il n'est pas dispensé des châtiments ou des peines. Au niveau du forum, nous aimerions que la démocratie puisse aller de l'avant. C'est l'idéal. Le président du Forum des partis politiques était au micro de mon confrère Alain Désiré Boukieneza. Une courte pause. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Je vous le dis en titre, 6 provinces du Burundi, à savoir Bujumbura, Bubanza, Kirundo, Ngozi, Rutana et la mairie de Bujumbura, abritent certaines communes les plus exposées au risque de catastrophe. Ingénieur Innocent Abanigwa Ndigo, expert en agroécologie et en changement climatique, qui le dit, s'appuie sur la récente cartographie des risques réalisés par le gouvernement burundais. D'après lui, d'autres provinces auraient été ajoutées si cette carte avait aussi tenu compte de la sécheresse. On l'écoute. Il y a des zones les plus vulnérables par rapport aux autres. Et ici, nous pouvons même nous appuyer de la récente étude nationale sur les risques observés au Burundi. Laquelle étude s'est appuyée sur les inondations, le glissement de terrain, les vents violents, les pluies torrentielles. Mais nous avons vu que l'étude a oublié d'insérer un des aléas qui est beaucoup observé au Burundi, qui est la sécheresse. Sur base de ces 5 aléas climatiques, on a recensé qu'il y a des provinces qui sont beaucoup plus exposées par rapport aux autres. Ici, je commencerai, par exemple, dans la province Kirundo, dans sa commune Ndega. Ndega est menacée par ces aléas que je viens de citer. Mais aussi, nous ne pouvons pas ignorer que la commune Boussoni, elle n'est pas épargnée, elle aussi, de la sécheresse prolongée qui est beaucoup de plus en plus observée donc, dans cette zone. L'étude aussi pointe la province Ngozi, dans les communes Ngozi et Marangara, qui sont beaucoup très exposées au changement climatique. Et l'étude pointe aussi la province Bujumbura, dite Bujumbura rurale, dans sa commune Mutimbuzi. L'étude pointe aussi la province Bubanza, dans la commune de Manda. En mairie de Bujumbura, l'étude pointe les communes Mukaza et la commune Muha. Dans la province de Rutana, l'étude pointe la commune Bukemba. Pour dire que toutes ces communes sont vraiment exposées aux aléas climatiques. Nous ne pouvons pas exclure les communes Rugombo de la province de Chibitoke, les communes Isare et la commune Mutambu, qui sont beaucoup de communes, beaucoup citées, parmi les communes qui sont beaucoup menacées par la sécheresse, qui est un aléa qui a été oublié lors de la réalisation de cette étude. Pour cet expert, l'exposition de ces localités dépend de leur situation géographique et de leur relief. Écoutez encore une fois, ingénieur Innocent Baniguaninziko. Cette exposition émane de leur position géographique par rapport à l'ensemble du territoire du Burundi. Je dirais par exemple, si vous voyez la commune Mutimbuzi, elle a une bonne partie qui se situe dans la plaine d'Orimbo. Pour dire que cette partie est beaucoup menacée par des inondations. Les communes Mukaza, les communes Muha, dans les parties, je dirais, qui sont au pied des montagnes qui surplombent la ville de Bujumbura, vous trouverez que ces parties sont menacées par les glissements de terrain. Pour dire que l'exposition de ces zones que je viens de citer est motivée par la position géographique de chaque région. Par exemple, la commune Boussoni, c'est une commune qui se situe sur, je dirais, des petites montagnes. Vous comprenez que cette commune, si nous disons qu'il y a une menace, nous ne pouvons pas s'attendre à une inondation. Par contre, cette commune est exposée à la sécheresse. L'exposition donc de toutes ces zones-là est motivée par les positions géographiques par rapport à l'ensemble du territoire. Relief de ces zones contribue aussi par rapport à ces aléas climatiques qui sont des signaux, des manifestations du changement climatique au Burundi. Ingénieur Innocent Baniguwa Ninzugo était au micro de mon confrère Jean Dodieu Irakoze. Infrastructure à présent, les usagers de la route nationale numéro 9, Bujumbura-Bubanza, tronçon côté Boumendeuvre en zone Kinama, se plaignent qu'ils frôlent des accidents à chaque fois qu'ils empruntent cette route. Beaucoup de nids de poules jonchent cette dernière, ceux qui font le transport en commun sur le tronçon Bujumbura-Kinama indiquent que cela ne facilite pas leur travail. Il demandait aux autorités de la réparer correctement, vu que les réparations faites ne durent pas longtemps. Les détails dans ce reportage de Sheila Iramona qui s'est rendu sur les lieux. Arrivé sur cette route, exactement sur le tronçon séparant le quartier Bouwanza et Bukirasazi de la zone Kinama, ce qui s'est fait remarquer, c'est que les voitures qui passent sur la route essaient d'échapper les nids de poules qui jonchent cette partie de la route. Ceux qui exercent le transport en commun indiquent que se déplacer sur cette route n'est pas facile. La poussière et la boue en période de pluie ne leur facilitent pas la tâche. On ne peut pas travailler une semaine sans avoir mal au dos. Les amortisseurs de nos motos se cassent tous les jours. Nous allons plusieurs fois au garage, plus de 4 fois. Les accidents dans cette route augmentent de façon exponentielle chaque jour. Cela est dû au fait que cette route est en état piteux. En période de pluie, cette route est envahie par la boue. La route devient glissante. En période sèche, il y a beaucoup de poussière. Nos yeux en pâtissent, également ceux de nos clients. Lorsque nous étions sur place, nous avons rencontré des gens qui ont pris l'initiative d'essayer de boucher ces nids de poules avec de la boue. Ces usagers de la route saluent cette initiative, mais demandent aux autorités de bien réparer cette route avec des matériaux durables. Nous demandons que cette route soit réhabilitée, car nous aussi contribuons à l'auberge. Nous demandons à l'État de réhabiliter cette route pour que nous continuions à bien vaquer à nos occupations. Selon les informations recueillies sur place, cette route est ainsi alors qu'on avait essayé de la réhabiliter, ce qui n'a pas duré. Parle, rassure-moi. Les rumeurs propagées dans le passé, surtout en 2015, ont affecté la population de la commune Moussouni en province Kirundo. Certains des locaux ont fui le pays de peur de subir les conséquences de cette situation, ce qui a entraîné des conséquences énormes, surtout au niveau économique, selon l'administration communale. Aujourd'hui, la population témoigne qu'elle a beaucoup appris de la crise qui a touché le pays et qu'elle vit des moments de réconciliation, n'est-ce pas, Francine Ndokoukasio? Ce sont certains des habitants de la sous-colline Erusarasi, commune Busoni de la province Kirundo. Ils indiquent que parmi eux, il y en a qui ont fui le pays suite aux rumeurs de 2015 qui leur faisaient peur. Nous avons fui par peur suite aux tensions qui s'observaient dans le pays et surtout qu'on avait vu ce qui s'est passé en 1993. Plusieurs membres de ma famille paternelle ont été tués, à savoir mes tantes, mes oncles. Nous sommes retournés ici seuls et on a donc eu peur que les mêmes événements du passé pourraient se reproduire. Les voisins partaient un à un sans aviser les autres et on croyait qu'ils étaient partis dans les activités champêtres. Là, on apprenait par après qu'ils ont fui vers le Rwanda et personne ne les arrêtait. Alors, nous avons décidé de fuir, nous aussi. Il y a quelques années, ma femme est partie, mais elle est revenue de son propre gré. Je suis resté avec les membres de la famille. On suivait ces informations à la radio, mais ils nous rassuraient. Prenons l'exemple de ce qui se disait à Bujumbura. C'était des gens qui étaient toujours ensemble, mais parfois, parmi ces gens, il y avait ceux qui passaient à côté pour livrer de fausses informations. Le chef de la sous-colline Rusarasi nous dit que malgré les messages d'apaisement, certains n'arrivaient pas à vaincre la peur. Comme nous l'avons vu en 2015, certains d'entre nous avons pu rester tranquilles. Ceux qui avaient peur fuyaient. On n'hésitait pas à leur demander pourquoi ils fuyaient. Et ils nous répondaient que c'était à cause des informations qu'ils suivaient à la radio. D'autres encore disaient que c'est parce que leurs voisins fuyaient les bagages qu'ils faisaient ainsi. Si la situation se reproduisait, on resterait à leur côté et on leur montrerait qu'il y a ceux qui sont partis qui voudraient retourner à leur pays natal. Le secrétaire communal de Busoni fait savoir que cette crise a fortement touché la population et même la commune. Le développement a connu des régressions, a déclaré Miburo Benoît. Ceux qui sont restés ici sont vraiment restés calmes. Pas de haine, pas de quoi. La cohésion sociale est restée toujours bonne. Le choc ne peut vraiment manquer. Vous voyez, si on a quitté le pays, quitter les propriétés, automatiquement ça montre que le développement de l'homme doit chuter. Même les gens qui s'étaient réfugiés au Rwanda, de leur retour, Nous avons constaté qu'ils ont trouvé leur maison déjà démolie, d'autres propriétés qui étaient occupées par d'autres individus. Et même ont été choqués de trouver leurs biens disparus et chambardés. Quand ils retournent, nous essayons de les calmer et remettre les biens dans leurs propres mains. Cette population de Bossoni fait savoir qu'il a tiré des leçons du passé. Elle espère que désormais, elle ne va plus s'exiler suite à de fausses informations. Merci à Francine Ndokouga. C'est sur cette chronique N que se referme cette édition, mais à ceux-là qui viennent nous capter en cours de route, je le rappelle, l'essentiel. Le forum des partis politiques au Burundi, FDP, estime qu'il s'impose de laisser la justice trancher sur les accusations portées contre le président du parti Côte d'Ivoire. Le président de ce forum, Félicien de Burundi, le dit après l'incarcération de Kefani Bidi ce mardi, accusé d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Six provinces du Burundi abritent certaines communes les plus exposées au risque de catastrophe. Selon l'ingénieur Innocent Vanigua Ndigo, cet expert en agroécologie et en changement climatique qui le dit, s'appuie sur la récente cartographie des risques réalisés par le gouvernement burundais et la route nationale numéro 9, route Bujumbura-Bubanza, tronçon côté bout, main d'œuvre en zone Kinama et jonchée de nids de poules, ceux qui font le transport sur cette route crient à sa réhabilitation. Merci d'avoir suivi cette édition. Merci à Alphonse Kouguimana pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Evariste Ndikouanyanga. Les émissions continuent sur les zones de la radio Isanganiro.